Dieu qui combat. Manifeste devant nous. Oh. Jéhovah, Jéhovah Shalom, mon Dieu. Celui qui donne la paix, papa, manifeste devant nous, Seigneur. Jéhovah, Jéhovah Sabaoth, celui qui commande, manifeste devant nous, Jésus. Jéhovah Tchirkenu, l'Éternel qui est ma justice, manifeste devant nous. Enfin, Jéhovah, Jéhovah Shammah, celui qui est présent